boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Yomiatsix ouvre notre 170e Pop and Rock qui sera balisé par les nombreuses nouveautés du mois d'avril 2022. Des Fontaines D.C. à Placebo, nous avons dû choisir pour composer ce nouvel opus de Pop and Rock sur la très locale Radio Val de Rhin. We'll be right back.

Rien de bien nouveau chez le Jack, si ce n'est que si vous allez le voir en live, cela vous coûtera un bras et un œil. Alors que ce soir, c'était gratuit. Gratuit comme le U2 qui arrive. Et si vous n'avez jamais vu le clip de New Year's Day, foncez sur YouTube, c'est un plaisir intemporel. Mais trêve de nostalgie, car voici l'heure de notre troisième nouveauté du soir, Marvel. Non, pas celui de Disney, mais les rockers qui se voient ici offrir le temps de vous crier Great Man, issu de leur nouvel album Grace Come With Malice. Pas sûr qu'ils reviennent nous rendre visite, mais là, tout de suite, on leur fait une petite place. Local Radio Val d'Orin, et si nous aimons les douceurs de Westerman, on aime également celle de Stereophonics. We'll be right back. Chaque fois que j'écoute les Stereophonics, je pense à Supergrass. Allez savoir pourquoi. On va donc écouter à présent le Mary de Supergrass. Il y a quelques mois, les étranges Australiens au nom énigmatique entraient dans ma bibliothèque musicale. Les King Gizzard and the Lizard Wizard ressortent de leur Melbourne natale pour nous envoyer Omnium Get Your Rum. 16 titres pour nous envoyer, pour nous exploser la tête en allant des 2 minutes 23 de The Funeral au 18-17 de Dropping Drop. De la rage de la piste 1 au psychédélisme de Kepler 22B, en passant par la douceur de The Ambergris, voici donc le roi Gizzard et son compagnon, le Lézard Magicien. Grace to be in. Rappelez-vous, en 2020, King Gizzard and the Lizard Wizard nous envahissaient avec leur 7 minutes 15 de Rattlesnake. Promis, on va faire un peu plus court aujourd'hui. Vous êtes toujours là, merci à vous et vous avez mérité un petit oldies but goldies. Searching, passion, nobody wants to love. bed at night. It's 12:30. As you turn out your side light, oh, something ain't right. There's no passion. There's no passion. There's no passion. I need passion. You need passion. We need passion. Can't live without passion. Won't live without passion. Can't live without passion. Even the president needs. Allez, il va être le temps de se dire au revoir. Notre 170e Pop and Rock touche à sa fin. Et c'est R.E.M. qui va clôturer tout ça. Moi, je vous dis rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. Just a dream.